souvenir coule à flot. Les larmes et les regrets aussi. Tout cela ruisselle comme un slow sous les fines perles de la pluie. Le vent qui soufflait sur nous deux emportait loin de moi le regard de tes yeux. Les feuilles que l'automne emporte, ma vie et mon espérance sont mortes, et l'existence que je vis pendant une heure est pareille à un jardin sans fleurs, et ma joie de vivre couleur de été pour toujours et avec toi, s'en est allé. Le courant d'une rivière descend toujours, il emporte et ne ramène jamais les amours. Le vent souffle toujours dans tous les sens, il déchire et efface toute idée d'espérance. Le vent qui soufflait sur nous deux a emporté loin de moi le regard de tes yeux.